volet bas de l'aile, de la fenêtre du jardin, on devine la mer. Et la brise marine vient frapper au carreau, à l'abri dans notre île, on se parle à mi-mot. Et les cigales chantent, les fourmis font des provisions, dans quelques mois l'hiver. Bêche d'or, abricot sous le soleil, tu as la peau qui sommeille, je te dévore des yeux, en attendant de faire mieux, un peu mieux. Et le sable se traîne quelquefois au pied de la mer pour se faire pardonner, de s'être laissé faire l'amour par tant d'été, d'avoir perdu la guerre tant de fois sans compter. Et la mer lui pardonne, elle se souvient de ses amants comme si c'était hier. Pêche d'or, abricot sous le soleil, tu as la peau qui sommeille, je te dévore les yeux en attendant de faire mieux. Ma mémoire bat de l'aile, de nos fenêtres sur la cour, on devine la pluie. Et la neige s'affole derrière nos carreaux, elle emmène à l'école tous les enfants du métro. Un volet bat de l'aile, de la fenêtre de l'amour, on ne voit pas l'île.